19h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. C'est sans conteste le livre de l'année, un apax dans l'édition, notamment archéologique, un ouvrage d'art, d'histoire et d'érudition autour d'un thème très original, les ruines. Curieusement, les archéologues n'utilisent jamais ce mot, synonyme de reste, de décombre, d'effondrement, pire, de délabrement. D'ailleurs, ceux-ci ont-ils réellement conscience que leurs fouilles sont bien des ruines ? Il n'existe pas plus d'hommes sans mémoire que de sociétés sans ruines, nous dit-on. Ce que nous propose ce soir Alain Schnapp est une histoire universelle des ruines. Alain Schnapp, bonsoir. Bonsoir. Archéologue et historien, professeur à l'Université de Paris 1, vous avez été le fondateur puis le directeur de l'Institut national d'histoire de l'art. On se souvient de La conquête du passé aux origines de l'archéologie, ouvrage qui vient d'ailleurs d'être réédité aux éditions Carré. Aujourd'hui, c'est une histoire universelle des ruines qui vient de paraître dans la collection La librairie du 21e siècle aux éditions du Seuil. Tous les hommes ont un secret attrait pour les ruines. Ce sentiment tient à la fragilité de notre nature, à une conformité secrète entre ces monuments détruits et la rapidité de la vie. Chateaubriand, le génie du christianisme. Alain Schnapp, tout est dit. Tout n'est pas dit, mais la présence à la fois stylistique, intellectuelle et historique de Chateaubriand semble porter la civilisation des ruines à une sorte d'incandescence. Avant lui, les gens des Lumières ont élaboré une doctrine qui tendait à affirmer que toutes les ruines étaient intéressantes, que dans leur diversité même, elles pouvaient requérir la curiosité et l'émotion. Et c'est ce qu'a fait Chateaubriand, que l'on voit comme un classiciste, mais qui s'enflamme pour les antiquités de l'Amérique de son temps, qui s'enflamme pour les antiquités celtiques, et qui donc contribue, par sa lecture des géologues, par sa volonté d'ouvrir l'histoire au temps long, à un dialogue entre les civilisations. Et au bout du compte, les textes et les images que j'ai rassemblés dans cet ouvrage tendent toutes à éclairer ou éclaircir cette notion du rapport au passé, qui peut partir de l'infiniment petit, un fragment de coquillage, un fragment d'oursin, un oursin, jusqu'au monument qui nous impressionne encore par leur taille et parfois leur démesure. C'est-à-dire que Chateaubriand serait le penseur universel des ruines. D'une universalité qui est évidemment celle de notre culture occidentale, même si, comme je viens de le dire, sa curiosité la dépasse largement. Mais portée par la puissance poétique de son style, par sa curiosité, il a rassemblé en un corpus ce que les hommes des Lumières, et en particulier des personnages comme Louis-Sébastien Mercier, par exemple, ou d'autres, comme Buffon, ou comme les fondateurs, enfin Rousseau et Diderot, avaient contribué à laïciser les ruines. C'est paradoxal de dire cela, mais c'est aussi le cas de Chateaubriand, c'est-à-dire à montrer leur rapport avec les différentes cultures, mais dans leur diversité. Et c'est cela qui est le point le plus important de cette réflexion. Qu'est-ce qu'une ruine à vos yeux ? Le retour de la culture à la nature ? Ça, c'est la théorie du plus grand théoricien des ruines de la modernité au XXe siècle, qui est Georges Simmel. Et pour lui, la ruine est l'ultime étape d'un phénomène qui a vu des matériaux arrachés au monde environnant, à la nature, être travaillés, agencés, jointoyés pour devenir des monuments, et dans une troisième étape, devenir petit à petit des ruines, c'est-à-dire des monuments, des objets sur lesquels, des objets matériels, sur lesquels le temps a laissé une trace et qu'il tend à distendre. Mais cette action même, et c'est là l'héritage des Lumières, est à la fois un phénomène naturel et quelque chose qui crée un sentiment poétique. Alors, Schimmel, nous sommes à peu près dans les années 1907. Tout autre est la vision de Benjamin Perret. Lui voit dans la ruine l'opposition entre la mémoire et l'oubli. Perret, dans sa culture de surréaliste, a, dans un texte magnifique, paru en 1939, dans la revue d'André Breton, tente de saisir le culte des ruines dans sa dimension poétique. Et à la différence de Chateaubriand, ce qui l'intéresse, c'est moins la manifestation d'un certain nombre de processus, mais bien le rôle que l'observateur peut tenir en explicitant ces processus. La ruine est aussi un objet d'inquiétude. Montaigne n'est-il pas effrayé par les ruines de Rome, une sorte de spectacle de destruction ? Il est effectivement, quand il arrive à Rome pour son voyage, il est absolument dépassé par l'ampleur. Il cherche auprès des guides à se faire expliquer ce qui arrive et nous dit le narrateur du journal, qui est son secrétaire, à la fin, il renvoya tous ses antiquaires à leurs études et projeta de réfléchir par lui-même. Et d'une certaine façon, il ne se réconcilie avec l'immensité du désespoir qu'il étreint face aux ruines que quand il quitte à petite chevauchée la ville et qu'il prend conscience d'une expérience immémorable ou immémoriale. Je reviens à mon propos. Non, les archéologues ne parlent pas de ruines, mais répètent à satiété le terme de vestige. Les mots ont en effet du sens, Alain Schnapp. Absolument. La ruine, ça vient du latin ruina, du verbe ruo, ce qui se défait, ce qui s'auto-détruit face au passage du temps. Le vestige, vestigium, vestigia, c'est un mot qui fonctionne aussi en grec, le vestige est tout autre chose, c'est une trace. Donc entre la ruine et la trace, il y a une tension. Parce que d'une certaine façon, la ruine, c'est quelque chose que l'on voit comme convexe. Vous voyez, un tel dans le désert, un château, et cela surgit à l'œil. Alors que le vestige est concave. Le pas d'un animal sur le sable, ou d'un homme à l'intérieur d'une grotte, ou la trace sur une paroi. Entre ces deux acceptions de la ruine, il y a une tension, et cette tension est extraordinairement intéressante parce qu'on la retrouve dans la culture arabo-musulmane, dans l'arabe classique et dans la culture chinoise. Donc il y a comme un universel des tensions entre le vestige et la ruine. Et puis la trace, l'empreinte, marche assez bien d'ailleurs pour cette archéologie qui est en creux, cette archéologie de la proto-histoire ou du Moyen-Âge. Absolument. Un des problèmes des antiquaires devenus archéologues, quand la discipline archéologique s'émancipe grâce à la géologie au milieu du XIXe siècle, leur premier soin est de donner une part égale à ce qui apparaît comme le plus visible, la pierre, le bois et les aménagements qui procèdent de cela. Et donc, on découvre progressivement, ce sont les fouilles du Limès au début du XXe siècle en Allemagne, avant elles, les fouilles des chercheurs anglais comme le général Pitrivers dans sa propriété de Cranbourne Chase. C'est-à-dire, on découvre que le sol est un livre d'histoire, qu'il garde des traces, et qu'une lecture attentive de ces traces et des trous, en quelque sorte, que chaque génération opère dans la masse des sédiments, ce sont des réalités observables et interprétables, et on va détourner de la géologie le concept de stratigraphie, la succession des couches dans le temps. Alain Schnapp, j'ai compris en vous lisant que la ruine est adossée à une histoire, mieux, toujours à une tradition. La tradition de la ruine trouve son aliment dans le fait qu'il est difficile de regarder le passé en face. Que le passé peut être fait de textes, le passé peut être fait de traditions orales, et d'une troisième source, qui est celle des objets et des monuments. Et ce qui m'a intéressé dans ce travail, je viens de ma pratique d'archéologue, même si je n'ai pas essentiellement été dans ma vie un homme de terrain, mais j'ai participé à des programmes de terrain, et la réflexion m'est venue, mais quand l'humanité a-t-elle pris conscience du fait que les monuments, les vestiges, sont insérés dans un contexte qui est celui du sol. Et comment l'exploration du sol peut-elle conduire à l'intelligence des comportements humains? Et ça pose le problème de la transmission. Si les ruines n'existent que si on porte un regard interprétatif sur elles, si on les reconnaît comme telles, si, par exemple, les mégalithes ou les alignements de Karnak sont décrits par quelqu'un qui n'y voit rien de particulier, sauf une concrétion géologique, à ce moment-là, ce sont des signes dans le paysage qui relèvent autant de la nature et qui n'ont rien, aucun rapport avec ce que nous appellerions la culture. Mais quand on en vient à dire « Ouh là là, mais ces objets, les alignements de Karnak, ce sont les troupes de Merlin l'Enchanteur qui ont été en quelque sorte arrêtées par le génie diabolique de l'Enchanteur. » Si on va dans ce sens-là, on commence déjà à soupçonner quelque chose. Et c'est ce soupçon qui fait naître le sens des ruines. Un des plus beaux exemples de tradition est sans nul doute celui de Roy Matta. 7 siècles de chansons de gestes, confirmées par les recherches de José Garanger sur un îlot tabou des Vanuatu. C'est un travail extraordinaire que mon collègue José Garanger a porté dans les années 60, quand les Vanuatu s'appelaient encore les Nouvelles Hébrides. Il s'est appuyé sur une série de chansons de gestes collecté par son collègue ethnologue Jean Guillard, et ces chansons décrivaient la colonisation de cet archipel et l'inhumation dans un îlot du fondateur, en décrivant assez précisément dans la chanson ce qui est advenu, la disposition des tombes, les rituels de la fête. Et Garanger a réussi à persuader les chefs coutumiers de l'intérêt qu'il y aurait à explorer cet îlot. Et l'exploration de cet îlot lui a permis de découvrir un cimetière fabriqué autour de la tombe de ce fondateur, Roy Matta, qui correspondait exactement à quelques-uns des détails de la chanson de geste. Et grâce à la datation carbone 14, et puis à d'autres contrôles, il a pu établir que tout cela remontait au XIVe, XVe siècle. Donc, une chanson de geste avait permis d'un locuteur à l'autre, pendant une suite interminable de générations, de garder la mémoire du site. Et dans une société, bien sûr, sans écriture. La réflexion sur la vanité des hommes et l'érosion de leurs traces est un thème universel. Il apparaîtrait en Égypte dès les derniers siècles du deuxième millénaire avant notre ère, bien sûr à l'époque ramesside. Absolument. J'ai été élevé, si je puis dire, dans la culture latine, et comme tout le monde, j'ai traduit le Monumentum Aere Perennius Doras, hein, le monument qui est plus solide que le bronze, que l'airain, et qui est le vers du poète. Et ça a été ma stupéfaction quand, en explorant la tradition égyptienne, j'ai trouvé qu'au deuxième millénaire, ce thème existait dans un pays qui est tellement lié à la mémoire à travers l'architecture et la mémoire à travers l'inscription, qu'a priori on avait du mal à croire qu'un poète égyptien avait pu un jour écrire que la parole du poète est plus solide que l'airain, est plus solide que la plus belle des inscriptions. Donc cela donne à réfléchir sur la variété des points de vue d'une civilisation à l'autre et toujours de la tension qui peut exister entre la matérialité des ruines et l'immatérialité du souvenir. En Mésopotamie, les fameuses ziggourats de terre crue, bien sûr, s'érodent, elles fondent. Il faut alors fixer la mémoire dans une sorte de capsule temporelle que les archéologues retrouvent dans les fondations. Absolument, les briques de fondation sur lesquelles sont inscrites les réflexions du roi et de ses collaborateurs et qui permettent de dater un événement font partie du rituel mésopotamien depuis la fin du troisième millénaire. Et donc chaque souverain laisse dans le sol des traces de ce qu'il a voulu construire et il entend par là que ses successeurs iront les retrouver parce que comme le cycle de durée de vie des murs de terre crue est tellement plus fragile et plus rapide que celui de la pierre, c'est en quelque sorte ces capsules que l'on intègre dans le sol, qui les protègent, qui vont permettre à chaque dynastie de trouver les traces de ses prédécesseurs. Des scribes instruits vont se lancer, vont se transmettre ces données et utiliser la fouille du sol pour trouver le briquetage des anciens temples et l'inscription qui dira « ce temple est celui érigé par tel ou tel dynaste à telle ou telle période ». Il nous faut alors évoquer Nabonide qui régna sur Babylone dans les années 540 avant notre ère. Nabonide, roi antiquaire. Absolument, le Nabonide, le dernier roi de Babylone, est quand probablement traversé par la conscience de la fragilité de la tradition, et donc il cherche à suppléer aux difficultés politiques qu'il rencontre et à la pression et à la défaite que vont lui infliger les Perses et Cyrus en multipliant les inscriptions dans le sol et en expliquant qu'il a été un bon roi, qu'il a respecté les usages et qu'il a fait du bien à son peuple. Et Cyrus sera tellement conscient du rôle politique de ce genre d'inscription qu'il en fera, lui qui n'est pas un Assyrien, qu'il en fera rédiger d'autres par des scribes passés à son service qui diront clairement « Nabonide n'était pas un bon roi, il ne vous a pas protégé, moi Cyrus, je vais le faire et je le ferai si bien que je deviendrai, quoi comme de la Perse, l'un des vôtres ». Les ruines sont toujours objet d'enjeux et de propagande. Maurice Sarthe les évoquait en 2017 dans notre magazine. Écoutons-le à propos des ruines de Palmyre, bien sûr en Syrie. France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier. Aujourd'hui, le régime de Bachar el-Assad a repris le contrôle de Palmyre. Mais je crois que ce qui apparaît de plus en plus à l'évidence, c'est que Palmyre n'a pas un rôle stratégique majeur. Rien n'avait été fait pour empêcher Daesh d'y arriver la première fois en mai 2015. La reprise a été relativement aisée en mars 2016. Rien n'a été fait pour la protéger à nouveau début décembre 2016 lorsque Russes et troupes de Bachar el-Assad sont partis à Alep pour bombarder Alep en abandonnant Palmyre et tout le matériel qui était là aux mains de Daesh qui étaient autour, et tout le monde savait qu'ils étaient autour. Donc la question qui se pose, c'est quelle est l'importance de Palmyre pour le régime? Sûrement pas en termes militaires, parce que sinon on n'abandonnerait pas aussi facilement et sans combat une position majeure. Et ce sur quoi il faut s'interroger, c'est sur le rôle de Palmyre dans l'instrumentalisation et dans la propagande des uns et des autres, pas seulement du régime et des Russes, mais aussi dans la propagande de Daesh, éventuellement. C'est-à-dire que pour vous, les enjeux de ces combats, c'était bien le site archéologique et non pas une éventuelle zone éminemment stratégique? Je le crois de plus en plus. Je le crois de plus en plus parce que on voit bien que, encore une fois, il n'y a jamais eu de combat absolument acharné, pied à pied, pour s'emparer de Palmyre. En plus, on est au milieu du désert, pas l'oublier, dans une ville moderne qui n'a absolument aucun intérêt. C'est pas une vieille ville avec des ruelles. Je veux dire que c'est pas la vieille ville d'Alep ou de Mossoul. Ça n'a rien à voir. C'est une ville très, très moyenne. Et donc, on peut utiliser l'aviation pour la protéger, par exemple, ce qui n'a jamais été fait. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est d'écouter le discours qui est tenu à propos de Palmyre. Quand aujourd'hui, vous dites à des partisans du régime, mais enfin, le régime n'a pas défendu Palmyre en mai 2015, on vous répond, mais les Occidentaux non plus n'ont rien fait, comme si c'était aux Occidentaux de protéger Palmyre. Donc en fait, on voit pointer là le début de l'instrumentalisation, mais là-dessus, il y aurait encore beaucoup à dire. Vous avez évalué les pertes à Palmyre en janvier, par exemple, le Tétrapile, et puis bien sûr, le théâtre romain était détruit. Oui, alors, pas complètement. D'abord, le Tétrapile, il n'y a pas un archéologue qui le pleurera, il datait de 1963. Hein. Sur les 12 colonnes, il y en avait une qui datait de l'Antiquité, les 11 autres étaient en béton, mais les incultes qui l'ont fait sauter, évidemment, ne s'en sont pas rendus compte. C'est plus grave pour le théâtre qui avait été remonté, mais le théâtre dans son ensemble, lui aussi, est très récent. Cela dit, ne minimisons pas, les ravages causés auparavant sont considérables. Les destructions de Daesh sont énormes. Temple de Bel, temple de Baljamine, je ne vais pas en faire l'inventaire ici. Les pillages qui ont eu lieu avant Daesh et qui ont lieu après Daesh ne sont pas moins importants. Je crois qu'il faut faire attention à cela. Il y a la destruction de ce que l'on voit et puis il y a le pillage de tout ce que l'on ne voit pas et de tout ce que l'on ne connaissait pas. Et là, la perte, elle est irréparable. Le temple de Bel, je suis le premier à le regretter, comme tout le monde. Mais à la limite, on a sur lui une documentation tellement complète, tellement importante que la science n'y perd pas grand-chose, d'une certaine manière. Alors que les tombes de la nécropole sur laquelle les Russes ont installé leur camp, les pillages et les destructions qui sont entraînés par cette installation, là c'est une perte pour toujours, parce qu'on ne retrouvera pas. Bachar, les Russes, Daesh, résonnent bien sûr avec Cyrus l'Achéménide face à Nabonide, roi de Babylone, Alain Schnapp. Absolument, l'instrumentalisation, elle commence avec le premier antiquaire, commandité ou non, par son maître pour rechercher des traces et des vestiges dans le sol. Et de l'interprétation de ces vestiges sourdent des positions politiques, intellectuelles, qui font partie de ce qu'on appellera plus tard la propagande. Donc déjà, on en parlait tout à l'heure dans le monde égyptien, la tension entre les architectes et les sculpteurs qui fabriquent des effigies et des monuments et les poètes qui disent que eux seuls pourront maintenir la mémoire des souverains dans le futur, cela existe, et cela fait partie, je dirais, de la dialectique interne du rapport des sociétés avec les ruines et les vestiges. La recherche des antiquités et le goût du passé sont une des dimensions de la culture savante chinoise. Mais curieusement, en Chine, les monuments comptent peu. En revanche, les inscriptions et objets ont du sens. Voir par exemple le recueil des bronzes de Lu Dalin qui date de 1092 de notre ère. Il y a une curiosité pour les Chinois qui tient peut-être à leur conscience de l'antériorité de leur civilisation. Ce n'est pas une antériorité chronologique puisque les Sumériens étaient là avant les Chinois de l'Antiquité, mais les Chinois ont gardé un mode de vie, ont gardé une culture partagée, ont gardé, à partir de l'invention de l'écriture, ces idéogrammes qui fait que des hommes du 5e siècle après Jésus-Christ, du 11e après Jésus-Christ, du 18e après Jésus-Christ, même de la modernité, peuvent encore lire les travaux de leurs prédécesseurs. Donc cette dimension de la longue durée, l'absence de pierre dans la culture chinoise en partie, explique que ce qui est valorisé, ce sont les objets et les objets inscrits. Donc l'inscription, le grand théoricien, le premier antiquaire philosophique au monde, qui est Ouyang Xiu, un de ces antiquaires de la période des Song, dit « J'ai commencé à réunir des inscriptions parce que mes estampages seront plus durables que les inscriptions elles-mêmes. Je me rappelle que dans mon enfance, je tentais d'en lire certaines et que j'y arrivais peu ou prou, mais qu'aujourd'hui, quand je reviens devant ces mêmes inscriptions, elles se sont effacées. » Eh bien ça, ce discours, il a été inventé en Chine au XIe, XIIe siècle, alors qu'il ne sera repris et motivé par les grands antiquaires européens qu'au XVIIe siècle, avec Cassiano del Pozzo en Italie ou Nicolas Fabri de Peiresc. Alain Schnapp, en 20 secondes, la ruine dans la culture japonaise est aussi très originale ? La ruine japonaise est à ceci d'original que, allant encore plus loin que les Chinois, les Japonais, en quelque sorte, fétichisent l'acte de la reconstruction. Donc les temples d'Ise, qui sont les grands temples de la tradition impériale japonaise depuis le 8e siècle, sont toujours là, vous pouvez les visiter, mais vous ne voyez que le temple qui a été restauré à la fin du cycle précédent, il y a 4 ou 5 ans pour le temple actuel. Et ce cycle, qui dure 20 ans, va faire que tous les 20 ans, on construit un temple de bois et de paille à côté du temple qui existe, on transfère le moment venu l'ensemble des outils de culte du temple 1 dans le temple 2 et on démonte le temple 1. Et ainsi de suite, depuis le 8e siècle après Jésus. Donc ça nous donne une idée de l'ascension. Relisons Diderot, qui n'aimait guère les ruines, d'Hubert Robert. Relisons aussi Débris d'écombres ruines de D'Alembert dans le volume 4 de l'encyclopédie. Mais surtout découvrons votre livre, Alain Schnapp, et merci, une histoire universelle des ruines qui vient de paraître dans la collection La librairie du 21e siècle aux éditions du Seuil. Carbone 14 était réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Jean Frédérics et bien sûr avec Sandrine Chaperon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de France Culture ou l'application Radio France. Vous retrouvez plus de 300 archives sur le site inara.fr.